et les pâquerettes et les cheveux longs, les cons. Allez, vas-y Jojo, faut que ça dégueule. Ah putain le sang, aïe aïe aïe aïe. Chanson autobiographique. Merci les amis, merci.